Section 2 de L'Homme de Fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 3 Le rendez-vous. À la place où naguère s'agitait follement la fête, tout était silencieux et sombre. C'est à peine si la baraque incendiée jetait encore une lueur faible dans cette grande et complète obscurité. La nuit était sans lune, des vapeurs lourdes et chaudes couvraient les étoiles. On entendait le bruit sourd de la mer qui arrivait à l'embouchure du Couesnon. Les gens de Normandie avaient regagné Beauvoir ou Ardevon, les gens de Bretagne s'étaient mis en marche pour Saint-Georges ou le Rose. Pontorson regorgeait. Il n'y avait point de place pour les paysans dans ces maisons pleines de gentilshommes ou tout au moins de bourgeois. Ceux qui demeuraient trop loin pour retrouver leur logis s'étaient arrangés comme ils avaient pu dans une manière de camp formée de 8 ou 10 douzaines de tentes qui s'abritaient derrière la ville. La ville elle-même dormait, point de fête qui tienne quand on a sonné le couvre-feu. Les fenêtres de l'hôtel du Déron, situées hors de l'enceinte, restèrent éclairées quelque temps encore, puis elles cessèrent de briller l'une après l'autre, hormis une seule, dont les rideaux fermés laissaient passer une lueur. Dans la plaine, la tente ducale, la tente royale et le fastueux tabernacle où le comte Otto Beringhem avait donné festin se taisaient. Il eût fallu passer tout près de l'une d'elles pour entendre le pas des sentinelles qui veillaient alentour. Un homme rôdait cependant sur la rive bretonne, non loin de la baraque en cendre du pauvre père Rémy. Cet homme était un vieillard et portait le costume monacal. « 10 heures et puis une, disait-il, en cheminant avec peine. Cela fait 11 maintenant, comme autrefois, et il y a longtemps que je ne m'étais vu hors de mon lit à pareille heure. Quand tu répéteras cela 20 fois, se répondit-il à lui-même en haussant les épaules. Ne te fâche pas, ne te fâche pas, je ne le répéterai plus. » Frère Bruno s'arrêta tout en face de la cabane incendiée et baissa la voix pour dire en soupirant « Ah, quel caractère !» Le fait est qu'il n'y avait plus moyen de discuter. Au moindre mot, il s'emportait. Frère Bruno resta un instant appuyé sur son bâton. Il regardait d'un air triste le petit tas de cendres et de charbon, presque éteint. « Au mois d'août de l'an 69, murmura-t-il en secouant sa tête, sur laquelle il avait ramené son froc prudemment à cause de l'humidité de la nuit, le pauvre nain fier à bras surnommé l'araignoir parce qu'il avait les cheveux hérissés, mourut brûlé à l'assemblée de Pontorson avec le père Rémy du bourg de Tintaignac, et un homme de Jersey qui avait 6 pieds de haut. Ce fut l'ogre maudit qui mit le feu à leur baraque, car ils étaient dans une baraque où ils jouaient des farces et sottis, ce qui ne doit point être une préparation bonne pour paraître devant Dieu. Le nain fier à bras s'appelait de son vrai nom Perrin Boireau. Il était page pour rire, bouffon ou fou de messire de Couette-Couenne, seigneur de Combourg. Il avait plus d'esprit qu'il n'était gros et mangeait volontiers des tourtes du village d'Ardevon, lesquelles sont en vérité tendres et bien faites. Frère Bruno, ayant prononcé à haute voix cette oraison funèbre pour les besoins de son répertoire de bonnes aventures, poussa un gros soupir. Pendant qu'il soupirait, un bruit léger se fit entendre dans la nuit. Pauvre fier à bras, son petit corps et sa grosse tête chevelue ne devaient plus réjouir au dessert les hôtes du sire de Combourg. Personne n'avait pu s'échapper de la loge condamnée, autour de laquelle, tant qu'avait duré l'incendie, un cordon serré de soudards avait veillé, l'estoc au poing. Mais si l'esprit du nain revenait sur terre, il devait rire dans la brise des nuits. Ce bruit qui se faisait entendre ressemblait au rire sec et strident du nain. C'était peut-être l'esprit du nain qui passait avec le vent du large. Frère Bruno poursuivit son chemin, il allait vers le pont. « Je ne sais pas si j'ai jamais vu une nuit plus noire, » dit-il. « Voilà enfin un mot de vrai, » répliqua la partie batailleuse et maussade de son individu. « Ce n'est pas malheureux. »« Mon Dieu, mon cher enfant, » reprit frère Bruno avec douceur, « quand je me trompe, c'est de bonne foi. La nuit est noire, je le dis, et maintenant que je me souviens, j'en ai vu de plus noir. « Bon, bon !» s'écria frère Bruno méchant. « J'étais sûr que le vieux fou se repentirait de sa parole véridique. » Frère Bruno s'arrêta tout court. Il croisa ses bras sur sa poitrine. « Mon ami, dit-il, je te donne l'exemple. Je retiens un mot un peu vif qui allait m'échapper. Crois-tu que tu n'aies pas toi aussi tes défauts et tes ridicules? Tu serais donc le seul. Tu bavardes, tu bavardes. Tiens, j'avote de chez les Morvères, ta nièce, et que celle-là est une grosse jouffue. Javotte te l'a dit, on t'appelle Bruno la Bavette. Certes, ce n'est pas bien de donner des sobriquets aux gens d'église, mais les gens d'église ont tort de les mériter, voilà tout. Attrape !» Il trébucha contre une pierre et faillit tomber tout de son long. Pour le coup, il se prit à rire. « Ah ah ah !» s'écria-t-il. « L'aventure est bonne, mon cousin. Pendant que tu m'accuses d'être bavard, tu bavardes tant et si bien que tu te casses le nez. On voit la paille dans l'œil du voisin. On ne voit pas dans le sien la poutre. » Brio, le bec de Saint-Léonard en Tréguier, me disait toujours que je n'avais pas la langue bien pendue. Mélaine Chrétien, qui jouait du serpent à l'abbatiale de Fougères et qui était un ivrogne endurci, conseillait aux plus sobres de ne point en boire. La femme du dit Mélaine accoucha une fois de deux enfants jumeaux, un garçon et une fille. La fille fut sœur converse à la Madeleine. Le fils tourna de côté. On le pendit à Vannes en 61. Voilà 8 ans de cela. Il avait un soir coupé la bourse de Jean Ribouste, le gros tanneur de Redon, et il y avait dans la bourse « Là, là !» s'interrompit frère Bruno. « Ta voix s'en roue, mon camarade. Repose-toi. Tu n'as plus ta langue de 15 ans. » Il arrivait à la tête du pont. Le Quénon, un bavard aussi, babillait sur les galets de son lit. Frère Bruno releva son froc qui gênait sa vue et fit effort pour percer les ténèbres. Il n'y avait personne sur le pont. « Si le petit Jeannin me fait croquer le marmot ici, pensa le bonhomme, je lui en dirai mon avis. Du diable si je courais la prétentaine par une nuit semblable pour un autre que lui. Je sens venir l'orage. Dans une heure, il va éclairer. Dans une autre heure, pleuvoir, étonner. Ce qu'on va penser de moi au couvent, je vous le demande. Parbleu, on pensera ce qu'on voudra, n'est-ce pas ? Sans doute. Je dis seulement qu'on s'étonnera de notre absence. Moi, je m'en bats l'œil. Toi, tu n'as pas la gravité qui convient à ton âge. Un religieux ne doit point parler comme un soldat. Je sais bien que ce n'est pas une affaire, Jérôme me remplacera bien pour une nuit. Et pour deux aussi, par ma foi. Savoir. Et pour trois, si tu crois que tu es utile au couvent. Aussi utile que toi, mon ami. Serpebleu, tu me ferais jurer. Jure, vieux pêcheur, ne te gêne pas. Frère Bruno frappa du pied et ferma les poings. Ne me pousse pas, s'écria-t-il avec une véritable colère. Il y aurait de quoi se jeter à l'eau. Eh bien, nous sommes sur le pont. Jette-toi, jette-toi, je t'en défie. Le spectre de Fier à Bras ne devait pas être bien loin, car un éclat de rire grinça aux oreilles de frère Bruno. En même temps, la voix de Jeannin s'éleva vers l'autre bout du pont. Est-ce vous, mon digne frère ? Demanda-t-elle. C'est moi, répondit le moine convert. Mais pourquoi ris-tu par cette triste nuit, petit Jeannin ? Le premier éclair entr'ouvrit la nuit et montra le visage du bon écuyer, qui, certes, n'était point trop joyeux. « Pourquoi je ris ? » répéta-t-il sans comprendre. « Ne t'ai-je pas entendu rire ? » ?»« Non, mon frère, je croyais que c'était vous ou votre compagnon. »« Mon compagnon ? » répéta frère Bruno à son tour. Puis, se reprenant un peu confus, il ajouta « Bien, bien, petit Jeannin, je sais ce que tu veux dire. Quand je chemine seul, la nuit, j'ai coutume de réciter tout haut mes patenôtres. Mais arrivons au fait, je te prie, et ne perdons pas de temps précieux en paroles inutiles. » T'ai-je raconté jamais, petit Jeannin, la bonne aventure du malandrin Pierre d'Assigné, qui détroussa sur ce pont même où nous sommes, Don Vincent, prieur des bénédictins de Cancale ? Il ne faisait pas encore nuit close, et Don Vincent venait tranquillement sur sa mule. Jeannin lui serra fortement le bras. « Avez-vous confiance en moi, mon frère ? » demanda-t-il. « Presque autant que si tu étais gentilhomme, mon petit Jeannin, » répondit Bruno sans hésiter. « Ce n'est pas assez, » dit l'homme d'armes. « Eh bien, » répliqua encore Bruno, une fois plus que cela. « Es-tu content ?» Jeannin lui lâcha le bras et passa le revers de sa main sur son front. « Non, murmura-t-il, je ne suis pas content et ce n'est pas assez. Que faut-il ? Il me faut la confiance qu'on a pour son frère ou pour son père. » Bruno se gratta l'oreille. « Je te connais depuis du temps, Jeannin, » dit-il après un silence. « C'est moi qui te montrais à jouer des deux bras comme un homme là-bas, au siège de ton blaine. Te souviens-tu ? Je t'appelais peau de mouton. Apprends-moi ce que tu veux et je ferai mon possible. Ce que je veux, mon frère Bruno, je ne le sais pas encore bien moi-même. Ma tête travaille depuis hier, mais elle n'est pas habituée à travailler. Elle va lentement à la besogne. Répondez-moi d'abord franchement. Êtes-vous pour la Bretagne ou pour la France ? Est-ce que la France et la Bretagne sont en guerre ? Si elles sont en guerre, Saint-Archange, que devient mon mariage entre le dauphin Charles et la jeune duchesse Anne ? Mon frère, on aura le loisir de faire la paix d'ici là. Pour qui êtes-vous ? Pour le duc ou pour le roi ? Je suis pour les bons hommes, mon fils. Vive Dieu! Allons-nous voir courir les lances? Les canons de Saint-Michel qui lancent des boulets de pierre vont-ils gronder? L'Évangile commande d'aimer la paix. Mais Moïse et Josué ont fait la guerre, oui, bien par l'ordre du Très-Haut. Je bats mon froc quand je veux qu'il soit net. Sans la lance et sans l'épée, le monde mourrait de paresse. Alléluia! Je rajeunis de 20 ans à penser que les bannières vont flotter au soleil. Vous ne m'avez pas répondu, mon frère. Interrompit Jeannin. Eh bien, le sais-je, moi, pour qui je suis? S'écria le moine bonnement. Le mont Saint-Michel est en France, mais si peu. Nous buvons les pommes de Bretagne. Quant à la question de patrie, je suis né sur la rivière du Couesnon, qui n'est ni ceci ni cela. Ma mère avait un pied au pays des ducs, un pied sur la terre du roi. Si mon cœur est breton, ma rate est française. Je te dis, petit Jeannin, Noël pour les bonnes gens, voilà ma devise. L'écuyer de Madame Reine écoutait ce bavardage avec une attention grave. Alors, dit-il, mon frère, vous n'avez point d'attachement personnel pour le roi. Le roi est mon prochain. Point de répugnance particulière pour le duc. Le duc est mon prochain. Si le duc voulait assassiner le roi. Vrai Dieu, interrompit l'honnête moine convert, je défendrai le roi. Mon frère, dit Jeannin en lui posant sa large main sur l'épaule, voulez-vous m'aider à défendre le duc que le roi veut assassiner? Bruno se recula ébahi. Et le mariage? Balbutia-t-il, car cette idée ne voulait point sortir de son esprit. Je commence à croire que le compère Gillot de Tours en Touraine n'a pas joué franc jeu. Le mariage était arrangé. Pourquoi les deux beaux-pères veulent-ils s'entre-assassiner maintenant? Jeannin n'eut garde de relever la hardiesse de cette expression « les deux beaux-pères » appliquée à Louis XI et à François de Bretagne à l'occasion des fameuses fiançailles. Il répéta sa question patiemment. « Mon petit Jeannin, répondit Bruno cette fois, si nous défendons le duc, te fera-t-on chevalier ?»« Je ne sais, mon frère. Voilà ce qu'il faut savoir. » Fiera bras la pauvre créature, quand on pense qu'il riait de si bon cœur ce matin. As-tu vu cet homme de Jersey le dévorer, toi? Ce devait être un spectacle curieux. Dieu ait son âme, car il avait une âme, malgré l'exiguïté de son corps. Fierabras, donc, la pauvre créature, me disait hier ses propres paroles, si Jeannin n'est pas chevalier, sa fille mourra. Le falot avait du bon sens, et les sages pouvaient profiter parfois à son entretien. Je ne comprends pas bien pourquoi ta fillette mourrait si tu n'étais pas chevalier, ami Jeannin. Mais je l'ai vue ce jour-là sur la terrasse du Déron. Elle m'a envoyé de loin un gentil baiser avec un bon sourire. Je ne veux pas qu'elle meure. L'écuyer de Madame Reine avait courbé la tête. Sans la nuit noire, le moine convert aurait surpris une larme qui brillait dans ses yeux. « Jeannin ne mourra pas, mon frère, murmura-t-il. Pourquoi Dieu enleverait-il à un homme sa dernière joie? Fierabras avait du bon sens, comme vous le dites, mais il parlait souvent à tort et à travers. » Ils tressaillirent tous deux, accoudés qu'ils étaient au pont. Une voix qui semblait sortir de dessous l'arche, confondue avec le murmure de l'eau sur les galets, prononça distinctement ces deux mots « Tu mens ». Le moine et l'écuyer gardèrent un instant le silence. « Je l'avais déjà entendu rire là-bas, murmura Bruno. Son âme est peut-être en peine, et tu as parlé un peu légèrement d'un mort, ami Jeannin. Désormais, si tu m'en crois, nous gagnerons chacun notre gîte. Je n'aimerais pas à causer plus longtemps en ce lieu. » Jeannin l'arrêta au moment où il s'éloignait déjà. « Mon frère, dit-il d'une voix ferme, nous nous séparerons quand j'aurai votre parole. Puisque vous n'aimez pas le roi plus que le duc, défendez le duc comme vous auriez défendu le roi. « Écoute, fit le moine qui prêtait l'oreille, n'a-t-on point encore parlé ici près? Il y a des âmes tourmentées qui volent dans l'air, d'autres qui nagent en suivant le fil de l'eau. Je promets bien que Fierabras aura ce qu'il lui faut de prière. » « Merci, fit la voix mystérieuse dans la nuit. Les dents du bon moine claquèrent. Le soir de la fête, grommela-t-il pourtant, ce même jour du mois d'août, en l'an 69, la voix d'une décédée qui sort de dessous l'arche et qui dit la première fois « tu mens », la seconde « merci ». Cela me rappelle, ajouta-t-il tout haut et passant son bras un peu tremblant sous celui de Jeannin, l'aventure du défunt Tual qui revint battre sa femme en 42, à l'heure où il avait coutume de la battre de son vivant, et aussi l'aventure de Suzon Mignot du bourg de Genet en Normandie. Suzon avait volé 3 gerbes dans le champ de Guyot-Mélin vers la fin d'août. Et ce fut au commencement de septembre qu'on la mit au cimetière. Les trois gerbes étaient encore dans la grange de Samuel Mignot, mari de feu Suzon. Ce Samuel était soupçonné de juiverie, et j'ai ouï dire une fois au diacre de Saint-Nicolas que le père de Samuel faisait le sabbat, avec bien d'autres, dans la ferme abandonnée qui est au bord de la grève, devant le bourg. Donc les trois gerbes, non, c'est Suzon Mignot. Mais si fait, je dis bien, les trois gerbes qui restaient dans la grange, bavard, bavard, bavard, prononça par trois fois, sous l'arche, la voix mystérieuse. Le moine se tut, mais ce fut pour ajouter aussitôt, « Bavarder n'est pas mon défaut, mais pour une fois, si j'ai bavardé, eh bien, je ferai pénitence. » « Jeannin, mon ami, se reprit-il, que cet exemple te profite. Tu es enclin à parler longuement. Dis-moi, en peu de paroles, ce qu'un pauvre vieux moine convert peut faire pour ton duc François, et dépêche. » Le bon écuyer ne demandait pas mieux que d'être bref. « Vous m'avez dit, mon frère, répondit-il, que vous étiez comme les deux doigts dans la main avec Guy Lesgriel, premier sergent des archers de la communauté. »« J'ai dit la vérité. Par vous et par lui, continua Jeannin, pourriez-vous faire qu'une demi-douzaine de bons compagnons comme moi eût entré dans l'enceinte du couvent ?»« Tu n'as pas besoin de moi pour entrer, petit Jeannin. La porte est tous les jours ouverte. » »« Les bons compagnons dont je vous parle, répliqua Jeannin en baissant la voix, seraient armés. » Voir. Interrompit Bruno, veux-tu me faire finir mes jours dans l'Inpace ? Des gens armés, au couvent, Benedicamus Domino. Les Grielles n'y peut rien, le bon camarade, qui est à jeun chaque matin jusqu'à l'heure de sa première tasse. Qui accuserait-on ? Le tourrier. Connais-tu les cachots, petit Jeannin ? Celui où Messire Aubry, le père de ton jeune seigneur, fut enfermé vers l'an 50, et libre et vacant. 6 pieds cubiques taillés au vif du roc. On a de quoi se retourner, j'espère. Nenni, nenni, mon homme. « Tu en as assez dit. Je te dispense du reste. »« S'il vous plaisait m'écouter, » insista Jeannin. « Point, point, cela ne me plaît pas. On m'a promis un lit pour cette nuit dans la tente du gruyer juré, qui est dressé là-bas, au nord de la rivière. J'y devrais être déjà. Bonsoir, petit Jeannin. » Le brave écuyer ne répondit pas. Il s'assit sur le parapet du pont et mit sa tête entre ses mains. Frère Bruno descendit jusqu'à la berge et se prit à cheminer au bord de l'eau, le long des buissons de saules blancs et d'aunes. En cheminant, vous pensez bien qu'il causait avec lui-même. « Peur ? Se disait-il. De quoi aurais-tu peur ? Qui te parle d'avoir peur ? Je te sens, parbleu, mon cousin. Tu tremblotes comme un vieux chat. Devisons d'autre chose. As-tu vu ce Jeannin ? Le roi ? Le duc ? Que me fait le duc ? Je suis sujet du roi, et je suis charge d'un poste de confiance. Si le roi et le duc ont des affaires ensemble, le feuillage des aunes s'agita tout auprès de lui. Le roi s'est moqué de toi, dit cette voix aigrelette et contenue qui naguère s'était fait entendre sous l'arche. Frère Bruno pressa le pas, mais l'agitation des saules blancs et des aunes semblait le suivre. On eût dit que tous ces buissons avaient la fièvre sur son passage. Le frisson se communiquait de l'un à l'autre, et les touffes de feuillage frémissaient à tour de rôle. Pas un souffle de vent dans l'air, le tonnerre grondait au lointain, et les éclairs embrasaient l'horizon à de longs intervalles, du côté de la haute mer. Frère Bruno ne parlait plus, mais il pensait, pourvu que j'arrive à la tente du gruyer juré avant l'orage. « Tu n'y arriveras pas, » prononça la voix qui répondait à sa pensée. Et de la feuillée frémissante, ce refrain monotone incessamment sortait, « Le roi s'est moqué de toi, le roi s'est moqué de toi. » Chapitre 4. Le lutin. La patience n'était pas le vice dominant de frère Bruno. « Va des rétros ! » s'écria-t-il enfin sans ralentir le pas. « J'ai peur, c'est vrai, mais je donne mon âme à Dieu, et je te provoque, esprit, fantôme ou démon !» L'esprit, le fantôme ou le démon répondit « Le roi s'est moqué de toi !»« Tu en as menti !» répliqua frère Bruno. « Je ne connais pas le roi. Connais-tu maître Pierre Gillot de Tours en Touraine ?» demanda la mystérieuse voix. Frère Bruno resta un pied en l'air, malgré sa goutte. Un trait de lumière le frappait. « Grand Saint-Michel » grommela-t-il. « Est-ce que c'est possible ? Maître Gillot ?»« Maître Gillot est le roi !» reprit la voix. « Le roi est venu pour assassiner le duc de Bretagne, ou tout au moins le tenir captif par trahison. Et c'est le roi que tu as envoyé à Jeannin l'écuyer au manoir du Rose. « Est-ce possible ? Est-ce possible ?» répétait le moine convert. En même temps, il se recueillait et faisait cet important travail. En l'an 69, voilà une année fertile en bonnes aventures. en l'an 69, Pierre Gillot de Tour-en-Touraine, qui monte à ma cellule et me conte des histoires à dormir debout, mariage du dauphin en projet et de la duchesse en semis. Je donne là-dedans comme un vieil innocent que je suis. Pierre Gillot me tire les vers du nez et me fait nommer portier. Pierre Gillot était le roi de France. « Merci de moi, voici la pluie » s'écria-t-il. « Spectre, je sais bien que tu es l'âme de Fierabras, la reine noire. » « On ne peut rien vous cacher, mon frère !» dit la voix qui s'étouffait dans un éclat de rire. « Les défunts ont-ils donc tant de gaieté ?» grommela Bruno, pris d'un doute. « Quand ils furent d'un caractère joyeux en ce monde mortel, oui, mon frère !»« Cela paraît plausible, » fit le moine. « Veux-tu des prières ?»« Une prière n'est jamais de trop. Tu en auras, que Dieu te garde. Restez, s'il vous plaît, mon frère, je veux encore autre chose. » Les gouttes de pluie tombaient, larges comme des écus. « Dis ce qu'il te faut !» s'écria le moine avec impatience. « Il me faut l'entrée du couvent pour mon ancien compère Jeannin et ses hommes d'armes. Impossible !» À peine ce mot était-il prononcé qu'un éclair fit le jour dans la plaine. Quelque chose bondit hors du buisson de saule en poussant un cri bizarre et inhumain. Le pauvre frère perdit le souffle. Le quelque chose était sur sa nuque et deux objets qu'on pouvait prendre pour des jambes lui serraient le cou vigoureusement. En général, les esprits n'ont point de jambes. Mais au fond, sait-on bien précisément les choses de l'autre monde. Frère Bruno chancela, ses genoux fléchirent, il se prosterna la face contre terre. En cette position, les deux jambes posaient commodément leurs pieds sur le sol. « Va des rétro !» balbutia-t-il. « À coquin, tu m'étrangles ! Grâce, mon petit ami, nous étions compères de ton vivant. Vas-tu me lâcher, vampire ?» Le quelque chose le prit par sa dernière mèche en façon de licou et se mit à faire le mouvement d'un cavalier qui trotte. « Scélérat damné, démon !» criait le malheureux Bruno. « Ah, je me souviendrai longtemps de cette aventure. Mon digne petit compagnon, que t'ai-je fait ?»« Hop !» cria le lutin. « Au trot, au galop, hop, hop !»« Pitié !» râla Bruno, dont la langue pendait. « Feras-tu ce que veut Jeannin ?»« Je ne puis. Alors nous allons chevaucher jusqu'au sable mouvant. Miséricorde ! Ou plutôt, je vais dire un mot au tonnerre. » Un éclat de foudre fit trembler l'atmosphère et le sol. « Miséricorde, miséricorde !» répéta le frère Bruno affolé. « Je ferai tout ce que tu voudras, mon cher petit ami. » Il sentit son cou subitement dégagé. Il se releva, son regard timide chercha tout alentour, et Dieu sait que les éclairs ne manquaient point pour aider sa recherche. Il n'y avait personne auprès de lui. Un instant, il pensa qu'il avait été le jouet d'un cauchemar. Mais au dernier éclair, le buisson de saule s'agita comme si une main robuste l'eût secoué furieusement, et la voix fantastique s'éleva de nouveau. « Je vais annoncer au bon écuyer Jeannin, dit-elle, que tu l'attends avec ses hommes d'armes. »« C'est convenu, répliqua le moine, que Dieu me protège. »« Au revoir !» Frère Bruno reprit sa course. Quand il eut fait une centaine de pas sous la pluie, il se retourna les poings fermés et menaça le vide. « J'en aurai le torticolis, dit-il, et que le diable t'emporte avec ton bon écuyer Jeannin. » En 69, les saules blancs du Couesnon qui s'agitaient tout seuls, et l'âme de Fierabras l'araignoire qui me sauta à califourchon sur le cou pendant que le tonnerre faisait rage et que la pluie tombait à torrents. Mauvaise histoire, et ce qui s'ensuivra, mon patron le sait. Il arriva à la tente du gruyer, traversée jusqu'aux eaux. Il se mit au lit sans compter aucune bonne aventure à son hôte. En se couchant, il trouva moyen de décharger sa mauvaise humeur sur quelqu'un. « C'est ta faute, dit-il. Je t'attendais là. Quand les choses tournent mal, c'est toujours ma faute, n'est-ce pas? On ne donne pas rendez-vous au soudard à 10 heures de nuit. Tu peux bien dire 11 heures. Raison de plus, tu as ce que tu mérites. Et toi aussi. En voilà assez. À la niche et fais le mort. » Comment se conduire avec ces tyrans domestiques qui n'admettent pas la discussion? Le mieux est de se soumettre. Frère Bruno étouffa un murmure et se coucha. Il dormit comme un juste qu'il était, rêvant qu'on le mettait en paradis et que le paradis était une maison immense, toute pleine d'oreilles incessamment avides d'entendre conter de bonnes histoires. Jeannin, cependant, était resté sur le pont tout pensif. Son plan lui avait coûté beaucoup de travail. Il le jugeait excellent, mais voilà que tout cet édifice, péniblement construit, manquait par la base. C'était à recommencer. Il y avait à la tête du pont un bouquet de vieux peupliers bien branchus. Quand la pluie vint, Jeannin se mit à couvert sous les arbres. Il discutait en vérité avec lui-même comme s'il eût été frère Bruno la Bavette. « Ces choses sont au-dessus de ma portée, » se disait-il. « Qu'ai-je à faire en ce monde sinon à garder la veuve de mon maître et son noble héritier ? La Bretagne est trop grande. C'est tout au plus si je saurais défendre notre petit manoir du Rose. Malheureux que je suis, ai-je su défendre ma fille chérie contre la tristesse qui efface les belles couleurs de sa joue ? Les princes sont des conseillers et des capitaines. Jeannin, Jeannin, ne songe qu'à ceux que tu aimes. » « Jeannin, Jeannin, » dit tout auprès de lui une voix bien connue, « songe à la pluie qui tombe et au rhume que tu vas gagner. » Le bon écuyer se leva tout droit. « Songe, » reprit la voix, « que les peupliers attirent la foudre, et viens avec moi dans mon réduit. » Fier à bras, balbutia Jeannin, qui avait reconnu le petit homme à la lueur des éclairs. « Veux-tu donc m'entraîner en l'autre monde où tu habites ?» Le nain fit une gambade et se mit à rire. « Es-tu aussi simple que le pauvre frère Bruno ?» s'écria-t-il. « En voilà un à qui j'ai fait une belle peur. Viens avec moi, Jeannin, mon ami, et je te dirai comment rendre les fraîches couleurs aux joues de ta chère fille. » Jeannin hésitait, il se signa. « Te faut-il la preuve que je suis un homme de chair et d'os comme toi ?» reprit Fier à bras. « Sois donc convaincu. » Il se baissa un petit peu, presque pas, et l'écuyer porta la main à son mollet en laissant échapper un cri. Fier à bras l'avait pincé jusqu'au sang. « Tu es en vie, coquin ?» dit Jeannin avec un véritable élan de joie. « Tant mieux. Pendant l'incendie, j'ai fait ce que j'ai pu pour arriver jusqu'à toi. J'avais un pourpoint de laine, et ces mécréants étaient armés de toutes pièces. « Je t'ai vu, » répliqua le nain, « et je te dis grand merci, mon compère. Dans toute cette foule, il n'y a eu que toi pour dégainer en ma faveur. Oh, si seulement cette sotte pluie qui tombe à verse maintenant avait avancé de 2 heures, le bonhomme Rémy ne serait pas rôti, et je pourrais faire valoir contre lui ma créance. C'est 30 sols tournois que je perds à ce jeu-là, c'est-à-dire 15 tourtes d'Ardevon. » Il avait pris l'écuyer par la manche et l'attirait vers le cours du Couesnon. Tout en marchant, il continuait. « La pluie perce déjà le feuillage des peupliers et je ne veux pas gâter mes chausses neuves. Mon manteau a été brûlé avec le père Rémy et le grand idiot de Jersey. Tu dis bien, mon ami Jeannin, tant mieux que je vive. Tant mieux pour moi, tant mieux pour toi. Tant mieux pour Couëtquen, mon maître. Tant mieux pour la digne femme Léquien, qui met au four les bonnes tourtes d'Ardevon. Tant mieux pour la Bretagne qui me possède, pour la France qui possédera la Bretagne. Tant mieux pour l'Europe, tant mieux pour l'univers. » Là, fit-il en tournant court sous la première marche du pont, « la mer baisse tout exprès pour nous. Nous serons ici comme dans notre chambre. J'ai dormi plus d'une fois en ce lieu. Seulement, il ne faut pas avoir le sommeil trop dur, car le flux vient sans crier gare. Assieds-toi là, mon ami Jeannin. Nous allons causer raison comme si tu étais un homme de sens. » Sous l'arche, du côté du rivage, il y avait un enfoncement en forme de niche. Dans la niche, on avait mis une grosse pierre qui pouvait servir de siège. Jeannin s'assit, Fier à bras se mit sans façon sur ses genoux. « Écoute le vent siffler et la pluie tomber, » dit-il. « Ici, nous nous moquons de la pluie et du vent. »« Que me parlais-tu de ma fille ?» commença Jeannin. « Bon, bon, tu vas trop vite. Chaque chose aura son temps. Dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. » « J'ai songé. Creux, j'aime mieux ton bras que ta cervelle. Moi, qui suis un penseur et un philosophe, je puis bien passer mon temps à songer. Toi, tu as bons yeux et bons poignets. Regarde et agis. » « J'ai beau regarder, mon pauvre fier à bras. Tu ne vois rien, n'est-ce pas ? Rien de bon. Et pour ce qui est d'agir, tu ne sais pas par quel bout y prendre. Ah ah ! Si j'étais mort, tu serais un homme perdu. Que s'est-il passé à l'hôtel du Déron depuis ce matin ? On a festoyé, on a ri, on a dansé. Y étais-tu ? Non. Que n'y étais-je, moi ? On a dû remarquer mon absence. L'appât du gain et des tourtes m'avait entraîné. Je suis puni. L'homme de fer était ce soir à l'hôtel du Déron. L'homme de fer ? Répéta Jeannin. L'homme de fer a regardé ta fille, reprit Fier à bras. Jeannin serra involontairement la poignée de sa dague. Tu es fort, continua le nain tranquillement, mais celui-là est plus fort que toi. L'ermite a dit qu'il serait tué par une femme. Pourquoi ? Parce qu'aucun homme ne pourrait le tuer. Mais je n'ai pas pu tout voir à cause du rôle que je jouais dans la baraque du vieux Rémy. Mais j'ai aperçu ta fille sur la terrasse avec Berthe de Morvert. Le comte Otto regardait aussi Berthe de Morvert. « Prends garde !» s'écria Jeannin. « C'est la fiancée de mon jeune seigneur. Ne t'occupe pas d'elle plus que ton jeune seigneur lui-même. J'ai vu encore Madame Reine qui te cherchait des yeux dans la foule. Si j'avais pu quitter la loge et me glisser à l'hôtel du Déron, ne fût-ce que pour 10 minutes, je t'en dirais plus long. Mais il fallait exécuter loyalement mon contrat avec le bonhomme Rémy, n'est-ce pas vrai? Je n'ai vu les choses que de loin. Ce que je puis te dire en toute sûreté de conscience, c'est que ton messire Aubry est damné aux 3/4 et demi. Quand tu parles de messire Aubry ou de madame Reine, interrompit Jeannin sévèrement, garde-toi de perdre le respect. J'ai bien perdu 30 sols tournois, auxquels je tenais plus qu'à tout le respect du monde. Puisque tu ne veux point le savoir, je ne te dirai pas que j'ai vu messire Aubry chevaucher côte à côte avec le diable. Ah ah, mon ami Jeannin, il est grand temps que tu sois chevalier. Explique-toi. Que nenni, l'explication serait peu respectueuse pour ton jeune maître. Je suis gentilhomme et j'ai le droit d'avoir mon opinion, la voici. Je donnerai pour notre belle Jeannine messire Aubry, madame Reine et Berthe de Morvert par-dessus le marché. J'ai idée parfois que je l'aime autant que mes tourtes, notre belle Jeannine. Parce que Dieu, comme dit mon cousin le roi de France, l'ermite l'a appelée noble dame et l'ermite ne parle pas au hasard. Jeannin le prit par les deux épaules et le regarda en face. Messire Aubry aurait-il commis quelque faute grave? Demanda-t-il. La faute que commet le papillon en mettant son aile trop près de la chandelle, répondit le nain. Court-il un danger que je puisse lui épargner? Il court le danger des fous sur les ponts où il n'y a point de parapet. Au nom de Dieu, dit Jeannin pour la seconde fois, explique-toi. Mais le nain disait et faisait ce qu'il voulait, rien d'autre. Tout à l'heure, fit-il, comme s'il se fût parlé à lui-même, pendant que nous étions sous les peupliers, je regardais la façade de l'hôtel du Déron. Toutes les fenêtres étaient noires, hormis une seule. Sur les blancs rideaux de celle-là, j'ai vu deux silhouettes se détacher, le profil hautain de Berthe et le gentil profil de Jeannine. Berthe de Morvert, en effet, dit l'écuyer, daigne porter à ma fille une affection qui nous honore. Et qui me fait l'aimer un petit peu, ajouta le nain, bien qu'elle soit la nièce de dame Joseph de la Croix-Mauduit qui m'a fait chasser de son hôtel par son vieil écuyer. Sais-tu, Jeannin, si tu ne deviens pas chevalier, tu ressembleras sur tes vieux jours à l'écuyer de dame Joseph, lequel rit encore moins souvent que madame Reine. Mais pourquoi cette chambre aux rideaux blancs reste-t-elle éclairée quand toutes les autres lumières sont éteintes? Et pourquoi les deux jeunes filles veillent-elles quand tout le monde dort? Oui, pourquoi? Répéta Jeannin qui ouvrit ses deux oreilles. Voilà, dit Fierabras, nous saurons cela un jour ou l'autre, si Dieu nous prête vie. Mais tu n'es guère curieux, mon oncle. Tu ne m'as pas seulement demandé comment j'avais échappé au feu de l'ogre des îles. Les miracles sont-ils si communs qu'on ne tourne point la tête pour les voir? C'est donc par miracle que tu as été épargné, petit homme? Je te fais juge. J'avais été dévoré déjà je ne sais combien de fois, et j'étais harassé de fatigue. Entre parenthèses, je parie que tu ne sais pas comment fait un balourd pour dévorer un gentilhomme. Non, assurément. C'est curieux. Ce père Rémy était un vieux coquin de mérite. Il avait inventé cela. Figure-toi que le pauvre grand Gersias, quand la baraque était bien pleine, revêtait une dalmatique de chevalier, longue, large et maintenue sur la poitrine par une légère armature en fil de fer. L'armature faisait ballonner le devant de la dalmatique sous le menton de Gersias. Pendant qu'il manœuvrait ses énormes dents postiches, je me plongeais dans sa barbe d'étoupe et je disparaissais petit à petit entre la dalmatique ballonnée et la peau. Les spectateurs avaient la chair de poule, on n'entendait que des sanglots dans la baraque, ils s'amusaient pour leur argent. Va, tu me diras, ce n'est pas tout d'avaler un gentilhomme, il faut en faire la digestion. Nous allons y venir. Entre les jambes de Gersias, il y avait un sac de cuir suspendu par des courroies attachés autour de ses reins. J'arrivais tout essoufflé dans le sac, car je peinais beaucoup en passant au travers de sa barbe d'étoupe. Le corps, ce n'était rien, mais la tête, je l'ai grosse, pour pouvoir loger toute ma cervelle. La tête, c'était le diable. Si tu veux te mettre ma place, tu comprendras qu'on n'était pas très commodément dans le sac de cuir pour reprendre haleine. Je ne gardais mon courage qu'en songeant au four de Dame Léquien où cuisaient mes 15 tourtes d'Ardevon. Ici, le nain poussa un profond soupir. Jeannin écoutait, bouche béante, il y avait en lui de l'enfant, malgré son honnête gravité, il se croyait à la veillée. Enfin, reprit Fierabras, il me viendra peut-être quelque aubaine en récompense de ce que j'ai perdu. Je restais dans le sac de cuir jusqu'au moment où le géant prenait sa massue pour se défendre contre les chevaliers français et bretons qui venaient l'attaquer dans son castel. C'était la crise. Le géant, obligé de bondir et de faire toutes sortes de contorsions avant de recevoir le coup de la mort, ne pouvait pas me garder entre ses jambes. « Dans votre mystère, interrompit Jeannin, les chevaliers de France et de Bretagne mettaient donc à mort l'homme de fer ? Eh, sans doute mon oncle, c'est là ce qui lui attendait plus. Il avait envoyé par un messager, noir comme la crémaillère du rose, l'ordre de ne le point montrer vaincu dans sa lutte avec les chevaliers. Mais si nous avions fait cela, les bonnes gens nous auraient étranglés bel et bien. Ne m'interromps plus, car voilà qu'il est tard et j'ai sommeil. » Le géant allait donc chercher sa massue, appuyée contre un arbre. Au pied de l'arbre, il y avait un trou fermé par une trappe. Je détachai les courroies, j'ouvrais la trappe, et la digestion était faite. Voir, fit Jeannin émerveillé, la dalmatique cachait tout cela. Cette observation prouve bien que tu as du sens, mon oncle. Je refermai la trappe, et le public n'y voyait que du feu. Devines-tu le reste ? Quand les incendiaires sont arrivés, tu étais dans ton trou. Non pas, mais je m'y suis mis, et je venais d'en sortir après l'incendie fini, quand j'ai entendu Bruno la Bavette qui se disputait tout seul dans la plaine. J'ai assisté à votre entrevue, j'ai percé à jour tes projets, et je les ai servis, parce que je suis un noble breton, après tout. En quoi as-tu servi mes projets ? Demanda Jeannin. Quand il en sera temps, je te conduirai moi-même au monastère, et tu verras si la porte reste close devant moi. Je voudrais savoir. Point. Demain matin, nous causerons affaire. Le flux vient à 6 heures, je t'éveillerai. Dormons. Jeannin eut beau l'interroger, il ne répondit plus qu'en ronflant. Le bon écuyer s'enveloppa dans son manteau en ayant soin de protéger le nain qui était toujours sur ses genoux, et ses ronflements sonores accompagnèrent bientôt ceux de Fierabras. Il y avait longtemps que le soleil était levé quand Jeannin s'éveilla en sursaut parce que l'eau du fleuve lui montait le long des jambes. Fierabras, ne voulant point mouiller ses chaussures, se mit à cheval sur l'épaule droite de l'homme d'armes. Ils regagnèrent ainsi la prairie. « Mène-moi déjeuner quelque part, dit le nain, et je t'en apprendrai si long que tes oreilles tinteront comme la maîtresse cloche de Combourg. Il faut que j'aie auparavant des nouvelles de ma fille, répliqua l'écuyer. Je puis t'en donner. Je viens de voir son gracieux minois à la fenêtre de l'hôtel du Déron. Elle suivait de l'œil ces deux cavaliers qui vont disparaître là-bas, dans la brume. L'un de ces chevaliers n'est-il point messire Aubry ? Murmura Jeannin, qui se fit de la main un garde-vue. Si fait, répliqua le nain. Et l'autre ? L'autre, voici la seconde fois que je vois messire Aubry chevaucher côte à côte avec le diable. Mon cheval est ici près, s'écria Jeannin. Je pars et je les aurai rejoints dans un quart d'heure. Si tu trouves leurs traces, dit Fierabras en étendant le doigt vers la plaine, vois, ils sont déjà dans le brouillard. Ils étaient à la porte de la ville et non loin de l'auberge où Jeannin avait mis son cheval. Jeannin était bien résolu à donner la chasse à son élève. En cas de danger, il voulait à tout le moins en prendre sa part. Mais le nain commanda d'autorité à déjeuner pour un gentilhomme et un soldat. « Tu n'iras point ce matin courir la prétentaine, mon oncle, » dit-il, pendant que Jeannin sellait son cheval. « C'est moi qui te taillerai ta besogne. À table, à table !» Jeannin voulut résister, mais Fierabras avait le mot magique sous lequel pliait la volonté du bon écuyer. Il prononça le nom de Jeannine. Jeannin se mit à table. Le nain but, mangea et parla comme quatre. Quand il eut achevé sa dernière rasade, il se mit sur ses petites jambes qui flageolaient ni plus ni moins que celles d'un ivrogne de taille ordinaire et s'écria « Eh bien, mon oncle, que dis-tu de ma politique ?»« Je crois que tu es sorcier ou devin, petit homme, » répondit Jeannin tout pensif. « Donc, reprit Fierabras, monte à cheval et va chez le duc. » Voici Catiole, la marieuse, qui passe avec son âne. Je vais me mettre dans un de ses paniers. Elle me conduira chez le roi. Fin de la section 2.